LSD, la série documentaire, un podcast France Culture. Quand je vous vois comme ça, vous êtes parfaitement bien. Vous êtes détendu. Et encore, vous pourriez écarter un petit peu vos jambes, vous voyez, pour être encore plus détendu. Un homme qui dort tient en cercle autour de lui le fil des heures, l'ordre des années et des mondes. Autour de la chambre, on peut faire se croiser toutes sortes de conditions. Rapport de sexe, rapport social, rapport d'âge, les enfants, la santé, les malades. En somme, c'est une espèce de lieu de rencontre. Le doux sommeil qui toute chose apaise n'apaise point le soin qui m'a ravi. En vous je meurs, en vous seul je vis, ne voyant rien sinon vous qui me plaît. L'intensité du bercement varie aussi beaucoup selon les cultures. Il va être particulièrement vigoureux en Inde, par exemple, dans le hamac, ou en Afrique, et il sera beaucoup plus doux, mettons, quand il existe en France, par exemple. 1, 2, 3, sommeil. Quand on a passé une bonne nuit, il n'y a pas d'agressivité, on est détendu, on est heureux. Quand on est heureux, on est agréable. Dis-moi où tu dors, je te dirai qui tu es. Jérôme Sandelars, Agnès Catou. Presque tout fonctionne autour de notre chambre à coucher. On la quitte et toute la journée, on l'attend pour aller la retrouver le soir. On est à Paris, dans le 11e arrondissement. Et là, on s'apprête, ma compagne Fanny et moi-même, à entrer dans un grand magasin de literie qui s'appelle Le Lit. Bonjour, madame. Que puis-je faire pour vous ? On voulait peut-être essayer un lit. On est venu ici il y a une dizaine d'années, un peu plus, je crois, acheter notre lit. 11 ans, ouais. Voilà. Ouais. Et on se dit que il commence à avoir des petits signes de fatigue, donc peut-être regarder. Il y a des petits problèmes de dos qui commencent. Ah oui, ça. Ouais. Oui, il s'affaisse par endroits. Ouais. D'accord. Vous recherchez un lit plutôt en quelle dimension ? On est en 160, ce qui est assez confort, ça nous va bien. Ouais. En fait, on est passé d'un 140 à un 160 il y a 11 ans, et il faut avouer que c'est pas mal. Et oui, de toute façon, idéalement, on est censé dormir un peu en étoile, donc un 140, c'est vraiment trop petit pour un couple. Quand on peut faire autrement, c'est mieux. Ouais. Vous aimez plutôt un couchage ferme, un couchage doux ? On avait une sorte d'assise moelleuse et puis au-dessous un soutien un peu ferme, je crois qu'on avait choisi ça. D'accord. Ouais, je crois que c'était semi-ferme. Et ça vous convenait, ça vous convient toujours ? Oui, alors après, avec le temps, en tout cas, il a des petits mouvements en fait quand il s'endort. Hein, comme si, peut-être que monsieur a des impatiences. Des agitations dans les jambes, ouais. Oui. Du coup, ça me réveille en sursaut, donc peut-être... Oui. Donc on ne va pas lier à votre problème. Ah, super. Voilà, je vais vous inviter à descendre. Oui, super. On est impatients. Bien des chemins mènent à la chambre. La fatigue, la méditation, le besoin de solitude, l'envie de lire ou de rêvasser, et bien sûr le désir. Et cette chambre, à quoi ressemble-t-elle ? Grande ? Petite ? Sombre ? Claire ? La lumière y pénètre-t-elle par les persiennes ou préférez-vous l'intimité de l'obscurité ? Et le lit, comment est-il ? Ferme comme un futon ou bien moelleux comme un nuage couvert d'édredons en plumes ? Moderne ou rustique ? King size ou rikiki ? Simple, double, à baldaquin ? Superposé ou suspendu dans les airs, façon hamac ? Y dormez-vous plutôt seul, en couple ou en famille ? D'hier à aujourd'hui, ici comme ailleurs, qu'est-ce qui se joue de nous entre nos draps ? Pascal Diby, vous êtes ethnologue, professeur émérite à l'université Paris-Cité, donc à Paris. Et puis vous êtes l'auteur d'Ethnologie de la chambre à coucher aux éditions Grasset. Déjà dans ce terme chambre à coucher, finalement, il y a les deux dimensions. La dimension sommeil, mais aussi la dimension de la sexualité. Comme si les deux étaient intimement liés. Mais pas du tout. C'est tout à fait nouveau qu'on fasse des acrobaties dans un lit, c'est tout à fait récent. En réalité, il faut se rendre compte qu'il y avait le sommeil, Il y avait la chambre, quand on en avait une, et la sexualité, c'était des choses qui étaient complètement séparées. Mais dans la réalité, ça se passait complètement autrement. C'est-à-dire que la chambre était un endroit extrêmement réservé, au sens du privatus, du privé, du quant à soi, d'une certaine façon, dans laquelle, effectivement, depuis le VIe siècle, après Jésus-Christ, on y pratiquait la conjugalité. Quand je dis pratiquer, ça veut dire qu'on n'y était que deux. Et c'est ça qui est très important, c'est le moment où finalement la chambre est devenue cet espace qui n'était plus collectif, mais qui est devenu un espace individuel. Mais si je dis ça, ça veut dire qu'il faut que vous traduisiez par le fait qu'on a les moyens de s'offrir une maison suffisamment grande et dans laquelle il puisse avoir effectivement une chambre. Ce qui n'était pas le cas de tout le monde. Ben non, en réalité, cette Europe à majorité rurale, on vivait dans la même pièce. Généralement, c'était à la fois la cuisine. Il y avait des renfoncements à gauche et à droite qui permettaient dans des alcôves d'y dormir. Il y avait éventuellement des lits clos. Et puis, la majorité des gens qui vivaient avec la famille dormaient dans l'étable avec les bêtes pour avoir moins froid. Et d'ailleurs, l'étable donnait souvent directement sur la grande pièce, qu'on peut appeler la cuisine d'une certaine façon. Et on dormait comme on pouvait, si je puis dire. Mais pour revenir à la chambre et à son histoire longue, on a quelques témoignages, donc effectivement, de ce qu'ont pu être peut-être des chambres égyptiennes. Mais dans la majorité des cas, il n'en reste pas grand-chose parce que des maisons en pierre, il y en avait très peu, étant donné qu'il fallait les moyens pour pouvoir en construire. Donc c'était des maisons en pisé qui ont fondu depuis. Et ce qu'on a retrouvé, c'est des appuis-têtes, donc c'est généralement sculpté, des objets assez beaux, puisqu'il s'agissait quand même d'alimenter le sommeil et d'en respecter les dieux ou les génies qui pouvaient veiller sur vous. Et donc, finalement, on va s'apercevoir en faisant de l'archéologie qu'il y a des sociétés à oreillers durs, des sociétés à oreillers mous. Les oreillers durs, c'est pour les sociétés à coiffe, les sociétés qui ont des coiffures extrêmement élaborées. Et dans l'autre cas, c'est des sociétés à oreillers mous dans lesquelles on peut enfouir sa tête avec les cheveux qui vont dans tous les sens. Je parle essentiellement pour les femmes, mais c'était vrai aussi pour les hommes. Donc ça implique derrière tout le système de domestication indirecte d'un animal où on a commencé à échanger de la nourriture avec des elders, des oiseaux de côte, si vous voulez, de mer, et on a commencé à faire des couettes, ça a donné les édredons. Ce que vous soulignez très justement dans votre ouvrage « Ethnologie de la chambre à coucher », Pascal Diby, c'est que ces sociétés à oreillers mous, donc qui domestiquent les oiseaux à plumes, oui, sont ces sociétés qui sont plutôt issues des pays nordiques, vous dites, et l'Allemagne, c'est ça? Tout à fait. Qui adopte cette culture. En gros, ça va du fond de la Scandinavie jusqu'à Metz. La société des couettes et donc des édredons. Et puis à partir de Metz jusqu'à l'Égypte, c'est les sociétés à draps. Et généralement, ils dorment sous des linswall, c'est-à-dire des draps en lin, et ça implique une domestication directe des plantes, donc des sociétés maternantes, maternées, on s'enrobe, etc. C'est toute une histoire, si vous voulez, de la pratique du sommeil qui est complètement différente. Est-ce que vous aimez le même confort, messieurs, dames? Bah, est-ce que... je sais pas trop, on peut essayer peut-être? Oui. Je vous invite à vous mettre à l'aise, à enlever vos manteaux, s'il vous plaît. C'est Jeannette, votre prénom, oui, c'est ça? Oui, c'est Jeannette, oui. Alors, je vais vous faire essayer les lits, mais avec des oreillers que j'aurais choisis pour vous. Ok. Hein, puisque par rapport à votre morphologie, l'oreiller a une grande incidence dans le choix du matelas. Par contre, je ne vais pas vous conseiller de mémoire de forme en oreiller, parce que la mémoire de forme donne des tensions dans les cervicales. Alors, pour madame, je choisis cet oreiller, pour monsieur, celui-ci. Tu sens quoi, toi, Jérôme? Alors, monsieur, attends, votre oreiller n'est pas bien positionné. Ah bon? Il faut que l'oreiller arrive juste à ras de votre épaule pour que ça épouse voyez, vos cervicales et vos épaules. D'accord. De sorte à ce que les tensions de vos cervicales tombent et que votre dos se détende sur le matelas. Ça veut dire que mes épaules, concrètement, elles doivent reposer sur le matelas? Uniquement sur le matelas. Et pas du tout sur l'oreiller? Voilà. D'accord. Parce que sinon, vous vous abîmez les cervicales. Donc, du coup, vous conseillez plutôt un oreiller carré ou un oreiller rectangulaire? Alors, parce que là, vous nous avez donné des oreillers rectangulaires. Alors, l'oreiller carré n'est fait que pour la décoration du lit, monsieur. Ah, c'est bon à savoir. Je suis sûr qu'il y a plein de Français qui ont des oreillers carrés. Oh, à qui le dites-vous? Alors, pourquoi? Si je vous mets un oreiller carré, monsieur, votre oreiller va faire 10 à 15 cm de plus. Comment on peut concevoir que vos épaules ne soient pas sur l'oreiller? Vu votre taille, c'est pas possible. Et donc, c'est tout le contraire de ce qu'il vous faut. Alors moi, si je suis tout à fait franc, cet oreiller, je le trouve trop ferme pour moi. D'accord. Donc il ne me soulage pas assez les cervicales. On va essayer exactement le même que madame. Merci, madame. L'assise, elle est assez confortable, assez moelleuse. Alors, le bon matelas, madame. Le bon matelas, c'est quand vous allez sentir que toutes vos tensions se relâchent. Quand vous n'aurez plus envie de bouger, plus envie de sortir du lit. On va pas essayer 10 matelas. Hein. En fait, on va se diriger sur certains produits que j'ai déterminés par rapport à votre morphologie. Alors, vous avez prêté attention à quoi ? Alors déjà, votre poids, parce qu'on achète la fermeté du matelas par rapport à son poids. Et aussi par rapport à vos habitudes de sommeil. Le fait que vous dormiez sur le dos, sur le côté. Si vous dormez sur le ventre, je vais vous diriger sur quelque chose d'extra ferme. Ah oui ? Et oui, parce que sur le ventre, si vous êtes absorbé, bah, vous allez étouffer. Donc il faut absolument avoir quelque chose d'extra ferme avec un oreiller extra plat pour dormir sur le ventre. Pascal Diby, on dort nu ou habillé ? Comment ça se passe selon les cultures ? Ben, ça dépend des moyens. En réalité, si vous voulez, très longtemps, on n'a pas eu les moyens de s'offrir deux chemises. Une chemise de nuit et une chemise de jour, si je puis dire. Et dans les descriptions des couchages, d'une certaine façon, jusqu'au XIVe siècle, vous voyez très bien que le seigneur, on lui retire sa cotte, etc. Et dans le fond, il va se coucher nu. Dans Chrétien de Troyes, là, dans Le Chevalier à la Charrette, Lancelot raconte comment une femme lui montrait combien elle avait quelque attrait pour lui, et pour la vexer et pour lui dire qu'il n'était pas d'accord, il avait gardé sa chemise, et la fille, la femme, se plaint amèrement qu'il n'avait pas pu dormir nu à nu avec le chevalier Lancelot. Et il faut attendre le XIVe siècle, au moment où il y a un développement économique de l'Occident, XIVe, XVe, pour qu'il y ait finalement une apparition de ce qu'on appelle le superflu. Alors le superflu, il va amener aussi la chambre à coucher, c'est-à-dire que jusque-là, le lit était un espace qui était unique dans une pièce, par exemple, mais sous ce lit, on y mettait les choses les plus précieuses. Alors ça peut être pour les paysans du Morvan ou autres, les patates, donc plus le paysan était riche, plus le lit était haut. Mais ça peut être chez les seigneurs, les habits qu'on prêtait aux chevaliers quand on faisait des tournois, quand on faisait des choses comme ça. Et ça, c'est sous le lit, généralement, qu'on remisait ces objets ou dans un coffre. Et on va faire rentrer un meuble nouveau dans la chambre, c'est l'armoire, pour pouvoir y remiser les draps en plus et surtout ces chemises de nuit qu'on va commencer à mettre. Et puis tout ce qui fait aussi qu'en Occident, il y avait tout les chaussettes, les bonnets de nuit, on s'habille pour s'endormir d'une certaine façon, mais pour ça, il faut les moyens. Alors, c'est pas étonnant qu'on ait parlé du lit, parce que finalement, dans les héritages, jusqu'à une période jusqu'au 19e siècle, vous aviez, quand les gens étaient relativement pauvres et avaient très peu de choses, la chose la plus notée dans toute l'histoire, je dirais, des études notariales, c'est la présence ou pas d'un lit. Une des obligations, si on voulait se marier, c'est d'avoir au moins un lit, si on n'avait pas d'argent, qu'on ait au moins un lit et qu'on puisse prouver qu'on ait ce lit. Donc on voit là aussi, dans la façon d'être, comment le sommeil est déjà inscrit dans une symbolique particulière. Et ça me fait penser à ce poème de Desnos qui est formidable sur nos histoires de lit, justement. « Maudit soit le père de l'épouse du forgeron qui forgea le fer de la cognée avec laquelle le bûcheron a bâti le chêne dans lequel on sculpta le lit où fut engendré l'arrière-grand-père de l'homme qui conduisit la voiture dans laquelle ta mère rencontra ton père. » Dans votre ouvrage, Michel Perrault, Histoire de chambre, vous évoquez la chambre à coucher et son histoire, et vous dites qu'elle apparaît dans les dictionnaires seulement vers le milieu du XVIIIe siècle, mais que finalement, la chose est bien plus ancienne. Les Grecs disent « camara ». Et « camara », ça désigne l'espace où plusieurs hommes dorment ensemble. « Camara », c'est les camarades. Et pourquoi pas les femmes ? Parce que les femmes sont au gynécée, on n'en parle pas. Hein ? Et le couple se retrouve évidemment au gynécée. Et puis, progressivement, la chambre prend une tournure plus intime, se resserre autour du couple. Et dans les châteaux médiévaux, on montre toujours la chambre du seigneur et de sa dame. Alors les vassaux, les servantes, ils couchent dans des espaces communs, ils n'ont pas de chambre. Là, la chambre revêt une distinction sociale. Elle est d'abord aristocratique, le seigneur et sa dame, et puis dans les villes, alors là, au XVIIIe siècle, quand la bourgeoisie s'empare de la chambre et en fait véritablement une pièce importante. C'est les architectes qui vont inventer la chambre à coucher, et le terme est récent puisque c'est Garnier, l'architecte de l'Opéra de Paris, qui a inscrit pour la première fois dans ses plans, dans les immeubles haussmanniens qu'on connaît, un espace où il y avait marqué « chambre à coucher ». Mais ça voulait dire aussi que l'appartement était redessiné complètement. Vous aviez le salon, la salle à manger, et puis au fond d'un couloir, dans beaucoup des immeubles haussmanniens, vous trouviez une ou deux chambres où les gens étaient mis à part, de certaines façons, du reste de la vie mondaine qu'on pouvait avoir dans les pièces de devant, sur le boulevard. Et puis après, il y a les chambres individuelles, la chambre d'enfant, et puis la chambre de jeune fille, séparée. La séparation des sexes est alors très importante, avant que, elle rejoigne la chambre conjugale. Assis sur le lit, Thomas regardait la femme couchée à côté de lui, qui lui pressait la main dans son sommeil. Il éprouvait pour elle un inexprimable amour. À cette minute, Teresa dormait sans doute d'un sommeil très léger, car elle ouvrit les yeux et le fixa d'un œil hagard. « Qu'est-ce que tu regardes ?» demanda-t-elle. Il savait qu'il ne fallait pas la réveiller, mais la reconduire vers le sommeil. Il tenta de lui répondre avec des mots qui feraient naître dans sa pensée l'étincelle d'un nouveau rêve. « Je regarde les étoiles, » dit-il. « Ne mens pas, tu ne regardes pas les étoiles, tu regardes par terre. » Parce qu'on est en avion. Les étoiles sont au-dessous de nous. Ah ah, fit Teresa. Elle pressa encore plus fort la main de Thomas et se rendormit. Thomas savait que Teresa regardait maintenant par le hublot d'un avion qui volait très haut au-dessus des étoiles. L'insoutenable légèreté de l'être, Milan Kundera. La plupart du temps, quand on s'intéresse au sommeil, on s'intéresse d'une manière littéraire, je veux dire, on s'intéresse au rêve. Georges Perec, sur France Culture, en mars 1978. C'est-à-dire à l'activité mentale qui se déroule pendant le sommeil, que le sommeil protège. Et on prête assez peu attention à l'activité de sommeil elle-même et à ce qu'elle représente pour le corps, pour l'organisme. L'un des premiers écrivains qui s'est vraiment intéressé à la chose, c'est Proust. La recherche du temps perdu s'ouvre par... Longtemps, je me suis couchée de bonne heure. Parfois, à peine ma bougie éteinte, mes yeux se fermaient si vite que je n'avais pas le temps de me dire « je m'endors ». Et une demi-heure après, la pensée qu'il était temps de chercher le sommeil m'éveillait. Et le héros évoque son enfance, son lit d'enfance, où il entend la voix de sa mère qui parle avec les invités. Et lui, il est là, anxieux, à attendre que sa mère monte dans l'escalier pour lui faire le baiser du soir, qui est comme une espèce de sacrement et qui lui permet de quitter le jour pour entrer dans la nuit. C'est une scène initiale absolument magnifique, parce qu'il y a plusieurs sens dans tout ça. Il y a l'entrée dans le sommeil, et puis il y a au fond l'entrée dans la vie. C'est très métaphorique en même temps. Vous vous souvenez de la suite, Michel Perrault ? Une fois dans ma chambre, il fallait boucher toutes les issues, fermer les volets, creuser mon propre tombeau en défaisant mes couvertures, revêtir le suaire de ma chemise de nuit, avant de m'ensevelir dans le lit de fer qu'on avait ajouté dans la chambre. Oui, voilà des scènes de chambre de sommeil parfaitement remarquables. Dans le premier texte, il s'endort très vite. Dans le second, on sent qu'il a beaucoup plus de problèmes. Et ça sera l'attitude de Proust pendant sa vie d'adulte. C'est un homme, contrairement à son souvenir d'enfance, qui a beaucoup de difficultés avec le sommeil. Aussi parce que il dort souvent le jour. Et comment dormir s'il y a du bruit ? Quand il faut dormir, être à contre-jour, c'est être à contre-temps. Et là, ça devient très compliqué pour le sommeil. Un homme qui dort tient en cercle autour de lui le fil des heures, l'ordre des années et des mondes. Il les consulte d'instinct en s'éveillant, et il lit en une seconde le point de la terre qu'il occupe, le temps qui s'est écoulé jusqu'à son réveil. Mais leurs rangs peuvent se mêler, se rompre. Que vers le matin, après quelque insomnie, le sommeil le prenne en train de lire, dans une posture trop différente de celle où il dort habituellement, il suffit de son bras soulevé pour arrêter et faire reculer le soleil. Et à la première minute de son réveil, il ne saura plus l'heure. Il estimera qu'il vient à peine de se coucher. toujours en continuant sur le, sur cette lancée proustienne, enfin de, du début du temps perdu, je me suis aperçu que j'avais une mémoire synesthésique extrêmement développée. Quand je suis couché, que je ferme les yeux, enfin, j'ai l'impression que je peux me représenter presque toutes les chambres où j'ai dormi, même si je n'y ai dormi qu'une nuit. Et ce qu'il y a de très intéressant, c'est qu'à ce moment-là, plein de souvenirs qui se rattachent à l'époque de cette chambre reviennent aussi. Je pense plutôt que c'est quelque chose d'heureux, parce que c'est précisément quand je m'endors que j'ai cette espèce de maîtrise sur l'univers immédiat qui m'entoure, l'univers de la chambre. Il suffisait que dans mon lit même, mon sommeil fût profond et détendit entièrement mon esprit. Alors celui-ci lâchait le plan du lieu où je m'étais endormie. Et quand je m'éveillais au milieu de la nuit, comme j'ignorais où je me trouvais, je ne savais même pas au premier instant qui j'étais. Fénergon, Mogadon, tranquillisant, Optalidon, impossible de dormir avec Isabelle dans mon lit. Plonger dans le sommeil, c'est à la fois délicieux si on est fatigué, qu'on a envie d'oublier, et ça peut être vertigineux si on se met à penser que peut-être on ne se réveillera pas. Et rester éveillé, ça veut dire être sur ses gardes, garder sa vie. Parce que dans le sommeil, on ne peut plus rien, on abandonne tout, on est dépendant, on ne gouverne plus rien dans sa vie. C'est d'ailleurs pour ça que quand on aime écrire, écrire le soir, c'est une espèce de défense aussi contre la nuit et le sommeil. C'est prolonger ce moment où on gouverne sa vie. Alors que le sommeil, c'est l'abandon de la volonté, de la lucidité, de... C'est grave le sommeil. La représentation du sommeil, elle est très intéressante parce qu'effectivement, c'est un problème de représentation entre la vie et la mort. Et par exemple, si un jour vous allez visiter Chambord, on vous dit, ben à l'époque, les gens étaient tout petits, alors ils dormaient comme ça, dans un lit, mais plutôt assis, etc. Alors la réalité, c'est pas vrai. C'est qu'on représentait l'homme presque assis quand il dormait pour être sûr qu'il n'était pas représenté mort. Parce que dans la vérité, les gens dormaient comme ils dormaient. Ils pouvaient s'allonger complètement, se mettre sur le dos. On dormait souvent au pied d'un arbre ou dans du fourrage, etc. Donc on dormait comme on pouvait. Mais la représentation d'un homme totalement allongé, c'est impensable, parce que ça veut dire que c'est la représentation d'un mort. Ça devient un gisant. C'est la représentation des rois morts, sont des gisants. C'est la première fois qu'ils ne sont pas assis. Le sommeil est une divinité qui appartient au monde de l'Olympe. Linda Gandolfi, psychanalyste, s'intéresse au lien entre mythe et construction psychique. Hésiode nous raconte que de chaos sont nés un certain nombre de divinités que l'on peut séparer en deux grands groupes. Il y a d'abord les divinités de la terre, il y a Gaïa et Eros. Ensuite, il y a de l'autre côté des divinités beaucoup plus obscures, beaucoup plus inquiétantes, donc la nuit, Nyx et Erebos. Et Hypnos, le sommeil, est le fils de la nuit. De Nyx, donc. Absolument. Il faut préciser, Linda Gandolfi, que Hypnos a un frère jumeau qui s'appelle Thanatos. Et Thanatos, c'est la mort. Donc le sommeil, tout d'un coup, est associé à la mort. C'est évidemment un lien très important. C'est comme si, en dormant, nous entrions chaque jour dans une forme de petite mort. Qu'est-ce qui se passe dans le sommeil? Eh bien, tout simplement, nous échappons à la conscience du jour. C'est-à-dire que tout s'éteint d'un seul coup, sans que nous en ayons vraiment conscience. Et nous passons d'une conscience d'éveil à une conscience nocturne qui nous extrait de tout le souci de la journée. Alors, on a tendance à séparer le sommeil de la journée et en fait, ils sont profondément liés. Ce qui est important, c'est de se demander pourquoi le sommeil qui vient d'un endroit sombre, qui est du côté de la nuit, de l'obscurité, va choisir pour épouse Pasitae, une déesse absolument magnifique, totalement associée au plaisir, à la joie de vivre, à la richesse, à l'abondance. Et c'est assez intéressant de faire le lien entre le fait que pour bien dormir, pour que le sommeil soit réparateur, il faut que les journées se passent aussi dans le plaisir. On a plutôt tendance à penser que, surtout lorsqu'on est adulte, les difficultés de la nuit entraînent des journées difficiles, mais en fait c'est le contraire. C'est ce qui se passe dans la journée qui va induire un sommeil calme et plaisible et réparateur, ou au contraire un sommeil difficile. Et chez les enfants, c'est effectivement très sensible. On peut avoir des enfants qui ont du mal à trouver le sommeil parce que tout simplement dans la journée il y a des tensions, il y a des conflits, même s'ils ne sont pas l'objet de ces tensions et de ces conflits, il peut y avoir dans la famille pas mal de difficultés, puis des peines, des chagrins, bon on a tous connu ça. Et l'enfant est très ouvert sur le monde, il est très réceptif à ce genre de choses et tout cela peut perturber le sommeil. Hypnose est souvent associée aussi à Héphaïstos, qui est un dieu important de l'Olympe, puisqu'il crée tous les meubles, il crée les objets, il crée les petites tables qui vont servir à la pitié, il crée les bijoux de toutes les déesses, donc c'est un dieu extrêmement créateur. Et c'est intéressant de le lier en tout cas à Hypnos, qui lui aussi peut avoir un côté créateur. Alors venez, je vais vous inviter donc à prendre votre oreiller. Ah oui, on part pas sans son oreiller. Du coup, il vous convient à tous les deux. Donc, on va quand même faire l'expérience d'essayer un hybride. Donc mémoire de forme toujours en surface pour ne pas sentir monsieur quand il a des impatiences. Et une base ressort en dessous. Oh là là, celui-là. Oh là là, c'est moelleux ça. On a l'impression d'être sur de la crème. Moi, j'ai choisi ce type de matelas avec mon mari parce qu'il a des impatiences. Aussi. Oui. Ça en commun. C'est pénible parce qu'il se lève quelquefois faire des pompes la nuit. Hein. Ah, carrément. Plus depuis qu'on a cette technologie de literie. Faire des pompes. Ah oui, bah oui, parce que c'est vraiment une pathologie qui est pénible. Hein. Ça me rappelle quand mon chien dormait sur mon lit. Excuse-moi pour la comparaison. Tu sais, il faisait des cauchemars et d'un seul coup, il avait les jambes comme s'il était en train de courir. Et toi, t'as un peu ça en fait. Oui, c'est vrai. Tu dors et d'un seul coup, t'as les jambes qui, comme si tu courais quoi. C'est pour ça que le choix de la technologie du matelas pour ne pas sentir l'autre est très important. Le bon lit, c'est celui qui vous fait l'effet « waouh ». C'est doux, ça fait du bien. De toute façon, notre corps a des courbes. Respectons nos courbes. Et plus nous allons aller dans l'âge, plus on a besoin de respecter notre corps. Puisqu'on va avoir naturellement des douleurs. Donc, on a besoin de douceur. Non, mais c'est vrai que c'est un abandon, le fait de dormir. C'est quand même, enfin, moi, je trouve que c'est un des grands bonheurs de la vie. Oui. C'est très réparateur, donc le choix du lit, c'est important. C'est pas anodin. Et quand vous vous mettez sur un matelas de ce type, enfin, si vous êtes en adéquation avec le matelas, vous sentez tout de suite que toutes vos tensions s'enlèvent. Et du coup, vous allez avoir un endormissement qui va être beaucoup plus rapide et beaucoup plus réparateur. Pourquoi ? Parce que vous n'avez aucun point de pression. Le matelas épouse toutes les courbes naturelles de votre corps et vous allez bouger 30 fois moins sur un matelas comme ça. Lorsque la chambre conjugale s'impose plutôt à la fin du 19e siècle, les futurs époux ont du coup complètement perdu l'habitude de dormir avec quelqu'un d'autre. N'importe quel bruit va donc pouvoir les gêner et les réveiller, d'autant plus qu'on a privilégié de plus en plus les endroits les plus reculés, les plus silencieux pour protéger le sommeil. Sophie Pandiera, doctorante en histoire et spécialiste du sommeil au 19e siècle. On remarque donc, alors que jusqu'au 19e siècle, le ronflement ne posait pas particulièrement de problème, ça voulait dire qu'on dormait bien, d'un bon sommeil profond, que le ronflement devient de plus en plus un désagrément, voire même une maladie qu'il faudrait soigner, ou en tout cas qu'on demande aux médecins de pouvoir soigner. pour les médecins, c'est pas du tout une maladie du sommeil, mais c'est vraiment la société qui va demander des remèdes contre le ronflement aux médecins. Oui, alors à tel point que ça devient un fléau social, le ronflement. Alors, un fléau social, peut-être pas, mais en tout cas, les journaux de l'époque vont de plus en plus multiplier les articles, les témoignages qui posent le problème du ronflement. Et les époux ronfleurs vont de plus en plus alimenter la chanson populaire, le théâtre, le vaudeville comme quelque chose de comique, mais aussi qui traduit un désagrément sonore de plus en plus connu, commun et qui pose problème. D'ailleurs, vous avez même écrit un article sur le ronflement qui s'intitule « La consigne n'est pas de ronfler », qui est aussi le titre d'une pièce de théâtre. Oui, c'est le titre d'une pièce de théâtre d'Armand Bourgeois, qu'il écrit en 1895 et qui met en scène un personnage qui s'appelle Célibaton, qui a 35 ans et qui refuse catégoriquement de se marier parce qu'il a peur de tomber sur une femme qui ronfle. Il a déjà connu plusieurs mésaventures et il a notamment failli se marier avec une femme qu'on lui assurait qu'il ne ronflait pas. Et il a appris par sa servante qu'en fait, c'était une ronfleuse invétérée. Pour ne pas se faire avoir une seconde fois, sa nouvelle prétendante, il l'invite à un dîner et il a pour projet de la droguer avec un somnifère pour vérifier que cette fois-ci, endormie, sa prétendante ne ronfle pas. Et ce que raconte Célibaton, c'est que c'est pas seulement un petit désagrément sonore pour lui, puisque le ronflement est capable de le rendre complètement fou jusqu'à en agresser quelqu'un. Les journaux relatent d'ailleurs assez régulièrement des cas similaires où un voisin, insupporté par le ronflement, va agresser le ronfleur et se retrouver au poste. Vous évoquez la presse, Sophie Pandiera, il y a ce petit extrait-là, tiré d'un journal qui s'intitule Le Tintamarre et daté du 6 mars 1887, un article intitulé Le ronfleur. Quand le ronfleur est dans son lit, ronflant chez lui, sur sa paillasse, son épouse seule en pâtit et presque toujours en trépasse. La pauvre ne fermant pas l'œil, pendant les trois quarts de l'année, naturellement au cercueil, par l'insomnie est condamnée. Pour la plus grande satisfaction des fabricants de literie américains, la vente des lits jumeaux a plus que doublé aux États-Unis depuis la guerre, rapporte le New York Herald Tribune. RTF, Les Échos du Monde, février 1950. À l'heure actuelle, 68% des couples américains achètent des lits jumeaux contre 25% avant la guerre. L'habitude de dormir seul est plus hygiénique, déclare à ce sujet l'Association nationale des fabricants de literie américains dans un communiqué. Celui qui tire les draps de son côté fait prendre des rhumes à son compagnon de lit, et celui qui a un sommeil agité empêche son voisin de dormir, remarque-t-elle judicieusement. Ayant fait des recherches sur les habitudes des dormeurs, l'Université de Chicago a découvert qu'une personne normale changeait de 20 à 45 fois de position dans son sommeil. Pour accomplir ses mouvements giratoires, elle a besoin d'un espace d'environ 90 cm de large. La moyenne des lits à deux places étant d'un mètre 30 cm, il ressort que le dormeur qui n'est pas seul se heurte au moins une vingtaine de fois à son conjoint dans une nuit. Autre avantage des lits jumeaux, ils réduisent le nombre des divorces. Si les couples américains renonçaient à coucher dans le même lit, a déclaré à ce propos une haute personnalité du barreau de Chicago, ils seraient plus tranquilles, se reposeraient mieux et serait plus apte à affronter les difficultés de la vie conjugale. Est-ce aussi l'avis des avocats français ? Dormir suffisamment, pas trop. Pas trop parce que si on dort trop, c'est émollient. Le corps devient trop distendu et il va avoir du mal à se remettre au travail. Mais suffisamment pour que la réparation du corps puisse se faire. Autrement dit, on réfléchit beaucoup au temps du sommeil. On va réfléchir aussi au repas du soir. Il faut pas manger trop lourd, pas de graisse, éviter le vin le soir. Et puis alors, l'idée aussi de silence. Le sommeil, c'est pas seulement un plaisir, un droit, tout ce que vous voudrez, c'est un espèce de devoir et vraiment une notion de réparation du corps. Est-ce que Michel Perrault l'a manière dont on va percevoir le sommeil dans notre société va évoluer au fil des siècles, entre le XVIIe et on va dire aujourd'hui. Oui, la perception du sommeil change. Et elle change avec la vision que l'on a du corps et du corps dans le temps. Plus on réfléchit à l'organisation du temps, et les sociétés industrielles ont beaucoup réfléchi de ce point de vue-là, plus on réfléchit au temps de travail et au temps réparateur du sommeil. Le sommeil devient quelque chose d'utile. On le sait parce que on a de plus en plus de traités d'hygiène dans le dernier tiers du 18e et 19e siècle surtout. Hein. Ce sont presque toujours des médecins qui écrivent des livres sur ce qu'il faut avoir comme hygiène de vie, un bon emploi du temps, une bonne manière de s'habiller, une bonne manière de se nourrir, une bonne manière de dormir. Traité sur les effets du sommeil et de la veille dans le traitement des maladies externes. 1781, Clément-Joseph Tissot. Il n'est personne qui n'ait besoin du secours puissant que le sommeil naturel, modéré, doux et tranquille, procure à tous les individus. Tout ce qui respire en ressent les faveurs. Il verse dans les veines un baume délicieux et qui semble donner une nouvelle vie. En effet, qu'un homme lassé par les travaux pénibles ou épuisé par des méditations profondes prenne les meilleures nourritures, s'il ne rétablit les forces de son corps par un doux sommeil, il le sentira s'appesantir et son esprit s'engourdira. Mais lorsqu'on a reposé et dormi autant qu'il le faut, quelle agilité ne sent-on pas dans le corps, quelle sérénité dans l'âme, quelle vivacité dans l'esprit. C'est donc par l'influence du sommeil que les fibres recouvrent la vigueur et la flexibilité qu'une tension trop forte et trop continuée leur avait fait perdre. Par ce moyen, les membres sortent de la langueur, le corps se délasse et se rafraîchit. Et si vous lisez le bouquin chez Larousse, par exemple, qui est très drôle, « L'Atlas ménager », vous verrez qu'il y a une description des chambres avec Pascal Diby. Le volume de la chambre, 9 mètres cubes, la forme des fenêtres, 1 mètre carré, l'endroit où on doit mettre le lit, à 30 cm du mur, la tête vers le nord, mais suffisamment d'espace pour qu'il n'y ait pas d'humidité qui vienne dans le lit, aérer la chambre tous les jours, etc. Et derrière ça, il y a tout un emballement, je dirais, de choses qui vont se produire. On va commencer à changer le système de fabrication des lits. Et notamment, deux choses vont changer l'hygiène, d'une certaine façon. La conquête de l'Algérie, elle va amener le fait qu'on va commencer à faire des matelas en palme. Et les punaises et autres bestioles ne vont pas dans les palmes. Donc, ça a été déjà plus propre. On va faire les lits en fer. Ce qui fait qu'on peut nettoyer les gonds avec un chalumeau. Donc là aussi, virer les petites bestioles qui seraient là. Et on voit se mettre en place tout un système hygiénique, effectivement, du couchage. Et l'éducation à l'hygiène commence par la nuit. Commence par le fait que c'est la chambre en ordre qui doit permettre de mieux vivre avec une vie saine. Alors pour les hommes, à l'imitation du... Tout le monde avait fait son service militaire, donc on apprenait une chose au moins. Au service, c'était faire son lit au carré. Et après, ça a été une démonstration, je dirais presque, d'art de faire son lit. Et puis, il y a eu tout récemment, dans les années 80, l'invasion de la couette. Mais ça implique derrière... un tas de choses qu'on a complètement oubliées. On n'a pas éduqué les gens à dormir avec une couette. Et si un jour vous allez en Allemagne, vous allez voir comment on dort avec une couette. On y dort en chien de fusil, sous sa propre couette. On peut tirer à soi autant qu'on veut. Sophie Pandira, est-ce que les préconisations quant à notre temps de sommeil ont évolué au fil des siècles ? Alors oui, les préconisations de combien de temps il faut dormir pour être en bonne santé, elles ont évolué dans le temps. Par exemple, au Moyen-Âge, les hygiénistes préconisaient de dormir 6 heures maximum. Ceux qui dormaient 7 heures étaient les paresseux et dans aucun cas, il fallait dormir 8 heures. Au 19e siècle, ça a évolué puisque les médecins, ils allongent cette préconisation de sommeil et ils disent que pour un homme adulte, il faut dormir minimum 8 heures. Donc le maximum devient minimum. Et ça, c'est seulement pour l'homme adulte, puisque si on est une femme ou un enfant, jugé plus faible à cette époque, on a besoin d'encore plus de sommeil. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au cours du 19e siècle, cette préconisation médicale des 8 heures, elle va être réappropriée notamment par les syndicats ouvriers, qui réclament la journée de 8 heures, mise au rang des revendications principales de la Première Internationale dès 1864, et qui présuppose 8 heures de travail, 8 heures de loisirs et 8 heures de sommeil. On disait les 3-8. Et l'idée était de limiter le temps de travail. La revendication des 8 heures, c'est fondamental pour des gens qui travaillaient 12 heures, voire 14 heures par jour. Mais à côté de ça, 8 heures de sommeil, 8 heures de loisirs. Donc il y a l'idée du travail, l'idée de la réparation du corps et l'idée de la liberté. Michel Perrault, quand on évoque la condition ouvrière, un des premiers termes qui nous vient à l'esprit, c'est celui de chambrée. Oui, les chambrées désignent des chambres collectives. Quand les ouvriers arrivent en ville, ils sont seuls généralement, hein, ce sont des migrants. Alors, ils cherchent à se coucher, à dormir, mais ça coûte cher, donc ils vont dans des chambrées. Alors, ces chambrées sont très variables, de taille. On peut parfois aller à jusque de véritables petits dortoirs où il y a 20 personnes. Et on comprend bien que ça pose toutes sortes de problèmes. C'est pas très agréable d'être entassé comme ça avec plein de lits qui sont pas toujours très propres. Ça sent pas très bon. Et dans une période où l'adduction d'eau est en train de se faire au 19e et loin d'être faite, pour les toilettes, tout ça, c'est très compliqué. Donc la chambrée n'est pas un lieu très agréable. Quelles sont vos habitudes de sommeil? Est-ce que vous dormez plutôt sur le côté, sur le dos, sur le ventre? Alors je pense que ça bouge, mais en gros, moi je suis entre sur le côté et sur le dos. Moi je dors plutôt sur le dos parce que je fais de l'apnée du sommeil et donc je suis appareillé. Et comme j'ai un masque sur le visage, je peux difficilement dormir sur le ventre ou sur le côté parce que sinon j'ai le masque qui se déplace. Alors idéalement, monsieur, quand on fait de l'apnée du sommeil, il faudrait un lit électrique, avoir un lit au moins qui puisse se remonter au niveau du dossier pour déjà avoir moins de ronflements et moins d'apnée du sommeil. Ah ouais, non, ça fait vraiment truc de vieux, là. Oh, bah écoutez, moi, ça fait 25 ans que j'ai un lit électrique. Faut pas avoir d'a priori sur le lit électrique. Bah non, vous faites jeune. Merci. Et alors, est-ce qu'il y a une typologie de clientèle? Est-ce que vous avez une clientèle qui se dirige plus facilement vers des matelas fermes ou des matelas plus moelleux ou Alors, il y a une tendance. Déjà, tout ce qui va être extra ferme, ça va être des gens qui font beaucoup, beaucoup de sport intensif. Ou alors la clientèle asiatique, parce que leur culture est de dormir sur des produits extra fermes. Et puis sinon, bah, c'est les gens très lourds. Et socialement, est-ce qu'on observe des différences? Alors oui, oui, les gens qui voyagent beaucoup sont habitués à des hôtels luxueux, donc avec des matelas extrêmement doux, avec des surmatelas intégrés ou pas. Et donc, ils veulent retrouver au quotidien ce degré de confort. Donc, ils aiment les matelas extrêmement moelleux. Quelle conclusion vous en tirez? Alors, il y a deux paramètres. Dans les matelas qui vont être très doux, il faut toujours se méfier parce qu'ils tiennent chaud. Plus un matelas va être enveloppant, plus il va vous tenir chaud. La clientèle aisée a souvent la climatisation. Or que vous, si vous êtes dans un appartement parisien en sous-pente, imaginez un matelas enveloppant quand on est en période de canicule. C'est un très mauvais choix. Donc moi, les clients, je les mets toujours en vigilance. Attention à la chaleur du matelas. Pascal Diby, vous êtes un grand voyageur, vous avez vécu un temps au Brésil, en Amazonie, vous avez eu l'occasion comme ça de parcourir le monde. Est-ce qu'on dort très différemment selon la culture, selon le continent auquel on appartient? Alors il se trouve que pour des besoins physiologiques semblables, c'est-à-dire pour devoir se reposer après avoir porté notre tête qui fait pratiquement un septième du poids du corps au bout de notre frêle colonne vertébrale, on a quand même besoin à un moment donné d'arrêter le transport et de se reposer. Et donc on a fait des choix de couchage radicalement différents selon les cultures. Par exemple, vous avez des couchages sur des lits, alors c'est notre cas. Vous avez des couchages, par exemple, tout ce qui est l'Asie, c'est généralement des lits tissés de certaines façons, pas très lourds. Oui, on pense au tatami, au futon. Oui, par exemple, chez les Japonais, tatami, futon, etc. Mais la majorité de la Chine, par exemple, c'est ce qu'on appelle des lits chauffants. Donc, on dort sur des kang. Et sinon, c'est des nattes. Alors, la natte, elle se roule le matin et on la déploie le soir. Et puis, vous avez des sociétés. Ça, c'est sans doute les endroits où j'ai mieux dormi, c'est en Amazonie, dans les hamacs. En réalité, on dort dans un hamac exactement comme on met un bras en écharpe, c'est-à-dire le corps entièrement droit, suspendu de la tête jusqu'au talon par, je dirais, la même pression. C'est génial parce qu'en fait, vous êtes dans un espace totalement aérien qui a plusieurs avantages. C'est que vous êtes emballé dans un tissu suffisamment épais théoriquement pour que les moustiques vous piquent pas. Il fait chaud, donc il suffit de bouger un tout petit peu le hamac. C'est une des raisons pour lesquelles c'est un lit aérien et aéré, d'une certaine façon. Et puis, vous avez ce sentiment incroyable d'être supporté également à tous les endroits de votre corps. Donc, ça implique une relation au sommeil très particulière. Les cultures ont développé une grande richesse de manières de bercer. Depuis l'enfant bercé sur le dos de sa mère en chemin vers le lavoir ou vers le puits, jusqu'à toutes les espèces de berceaux et de nacelles, actionnés par le pied ou par la main, suspendus à des liens, montés sur des ressorts, flottant sur l'eau, en passant par le balancement de l'enfant entre les bras croisés ou encore par la promenade à dos d'âne ou de chameau, en voiture ou bien dans les harnais de portage, sans oublier les boîtes à musique ni les mobiles nonchalants au-dessus des lits des tout-petits. Mais quel que soit son âge, nul n'entre dans le sommeil sans une berceuse de sa façon. Tombe de sommeil de Jean-Luc Nancy. Les bercements ne se ressemblent pas tous, il y en a de plusieurs types selon aussi le dispositif qui va servir à bercer. Par exemple, dans le berceau de bois ou dans le berceau à coque rigide ou à bascule, le bercement va être de type pendulaire, alors que lorsqu'il est effectué dans un hamac, il va être multidirectionnel. Hélène Storck, anthropologue et pédopsychiatre, sur France Culture en juin 1996. D'autre part, l'intensité du bercement varie aussi beaucoup selon les cultures. Il va être particulièrement vigoureux en Inde, par exemple, dans le hamac ou en Afrique, et il sera beaucoup plus doux, mettons, quand il existe en France, par exemple. Alors le bercement, c'est pas seulement le bercement, le geste, c'est aussi ce que vous appelez le bercer par l'oreille. Alors, bercer par l'oreille, c'est une phrase, je trouve, très poétique et tout à fait remarquable, qui a été indiquée par une mère portugaise dans l'enquête qu'a fait une de nos collègues, Natalia Ramos, au Portugal. Et il faut dire que encore aujourd'hui, dans ce pays européen et proche de la France, le bercement et le chant des berceuses restent extrêmement valorisé. Il y a au Portugal deux types d'actions de bercer, acalantar qui est bercé dans les bras ou sur les genoux et embalar qui est bercé dans le berceau, avec un répertoire de berceuses extrêmement riche. Quem tem meninos pequenos à force lhe há de cantar. Ai, quantas vezes as mães cantam. Je m'appelle Amélie Barbier, je suis doctorante au laboratoire d'anthropologie sociale et j'ai travaillé sur les rêves et le sommeil chez une population koryak, donc dans un village du Kamtchatka en Extrême-Orient russe. Alors les koryaks, c'est une population d'éleveurs de rennes nomades et de chasseurs-pêcheurs sédentaires, et c'est une population pour laquelle le rêve occupe une place très importante dans les rapports sociaux, donc dans le village de Timlat. On ne dort pas au même endroit pendant toute l'année. Il y a des variations saisonnières. Donc en hiver, à l'automne, les gens dorment dans leurs appartements, dans leurs maisons au sein du village. Il y a souvent un lit pour du coup les parents et une chambre partagée pour les enfants. Et en été, par contre, les familles de pêcheurs, elles vont dans des habitations en bois qui ont été construites le long de la rivière par leurs ancêtres. C'est des formes d'habitation vraiment traditionnelles koryak, contrairement au logement plus de l'époque soviétique dans le village. Et dans ces maisons de pêche, souvent il y a une seule chambre avec des lits qui sont séparés par des draps tendus pour protéger aussi des moustiques. Donc ça fait un peu comme une tente à l'intérieur de la maison. Et là, les personnes vont dormir à des horaires nocturnes, voilà, se coucher le soir vers 23h, minuit, se lever le matin, mais c'est un lieu de fête aussi, un lieu de chant, de danse. Et donc, c'est dans ces maisons-là, traditionnelles, que les personnes ont fait l'expérience de problèmes de sommeil, de troubles, de paralysie du sommeil. C'est un phénomène qui est très répandu dans le village. Et ça arrive d'une façon très similaire pour tout le monde. En fait, la personne a le sentiment de se réveiller dans la nuit. Et puis, elle voit qu'elle ne peut pas bouger, mais elle est consciente. Et elle sent une présence, parfois accompagnée d'un sentiment de pression sur la poitrine et d'hallucinations visuelles ou sonores tactiles. Et l'entité que les personnes voient dans les hallucinations, qui est une forme sombre, de forme humaine, c'est vu comme vraiment un esprit qui vient du monde des morts, du monde des esprits, qui est un monde qui est accessible en rêve, en fait, dans la culture koryak. Alors c'est quelque chose qui est vécu comme effrayant, mais pas forcément dangereux. Il y a tout un guide oral qui circule dans le village sur comment réagir quand on a ce type de trouble du sommeil. Et donc en fait, ce que les gens vont faire, c'est que comme ils dorment souvent à plusieurs dans ces maisons, l'idée c'est que si quelqu'un est en train de faire une paralysie du sommeil, la personne qui est réveillée doit essayer de lui parler en koryak, en fait, en langue koryak. Ce qui est inhabituel parce qu'en fait, le koryak, c'est une langue qui n'est plus parlée au quotidien. Depuis la colonisation russe et l'apprentissage du russe dans les écoles. Et là, ça va être des mots koryaks qui vont être utilisés par les personnes pour s'adresser à l'entité et lui dire de partir. Donc ça va être par exemple « pay » en koryak qui veut dire « part ». Donc c'est quand même des choses qui expriment un certain stress lié à ce trouble-là. Et puis, en fait, il y a une distinction assez forte entre des rêves à dire et des rêves à taire. Donc des rêves qu'il ne faut surtout pas raconter parce que le fait de les mettre en parole, ça peut influencer la vie éveillée. Donc les récits de rêves, ils sont partagés parfois avec les personnes âgées parce qu'elles sont considérées comme les personnes qui peuvent les interpréter et leur donner du sens. Mais par exemple, une femme qui s'appelait Vera, m'avait raconté qu'en fait, à une période de sa vie où elle était très inquiète pour son fils, qui était à l'école dans une ville assez loin du village où elle habitait. Et puis une nuit, elle a fait un rêve, elle a rêvé d'une femme de la famille de son mari, qu'elle avait rencontrée dans la vie éveillée, avec qui elle avait parlé quelques fois. Cette femme lui a apparu en rêve et lui a dit en koryak, voilà une mélodie pour toi. Et au réveil, en fait, cette femme s'est souvenue de la mélodie qu'elle avait entendue en rêve et qu'elle a vraiment envisagée comme un cadeau. Et en fait, elle m'a dit que cette chanson a vraiment une force presque thérapeutique pour elle, quoi. En fait, ça lui a permis de mieux gérer ses émotions et de mettre ses inquiétudes derrière elle. T'en dis quoi là-dessus là ? Je le trouve très très très confortable. Ouais. Il s'appelle comment celui-là ? Alors c'est le matelas de Gentleman avec un coutil bio. Oh. Gentleman. Gentlewoman. Alors, je suis tombée amoureuse de ce matelas il y a 2 ans ou 3 ans, le temps passe vite, au salon du meuble. Et j'ai dit, ce matelas, il est tellement bluffant, on va lui mettre un beau coutil, plutôt que de lui mettre un stretch, un beau coutil bio, pour le rendre encore plus qualitatif. Alors, c'est un matelas qu'il faut impérativement retourner. D'accord. Mais qui n'a qu'une phase de couchage. Donc c'est un matelas que vous allez retourner tête et pied tous les 3 mois. Ah oui. Ça c'est très important parce que dans un couple, nous n'avons pas le même poids. Ça va pas sentir les pieds au niveau de la tête ? Alors c'est la première fois qu'on me le dit ça. Hein. C'est pertinent. Donc le bon produit, ça va être celui qui vous détend. Là madame, vous êtes plus détendue que ça, c'est pas possible. Là, on est au nirvana, quasiment. Voilà. Et alors là, on a sur de la mémoire de forme aussi, voilà. C'est ça ? Avec, avec du ressort en sachet en dessous. Et avec un petit accueil moelleux. Jérôme, comment tu te sens ? Très détendu. Vous n'avez pas du tout bougé depuis que vous êtes sur le matelas. Et ça, c'est un bon signe. On part sur le gentleman ? On n'a pas parlé de prix. Ah oui. Je vais au petit collège. Tout ce que le maître a dans sa tête, on me le mettra. Dans la mienne, Napoléon, les ancêtres de Cro-Magnon, déclinaison, conjugaison, les mots, leur terminaison, addition, soustraction. Au bout d'un moment, on s'ennuie, mais la nuit, la nuit. 1, 2, 3, sommeil, avec Pascal Diby, Michel Perrault, Sophie Pandiera, Linda Gandolfi et Amélie Barbier. Un grand merci à Jeannette, la responsable du magasin Le Lit, situé boulevard Richard Lenoir à Paris, ainsi qu'à ma très chère compagne Fanny Leroy. La nuit, c'est moi qui décide. Il y a le jour, il y a la nuit. Documentation INA, Viviane Lefebvre. Prise de son, Florent Layani, Frédéric Kérou, Huang Maitran et Jean Guilamège. Mixage, Julien Doumain. Le jour, voulez-vous vous taire? Le jour, range tes affaires. T'as des devoirs à faire, c'est la faute à Voltaire. Après, attaché de production, Marie-Vonne Abolivier et Anaïs Morales. Coordination, Perrine Kervran. Dis-moi où tu dors, je te dirai qui tu es. Un documentaire de Jérôme Sandlars, réalisé par Agnès Catou. Mais la nuit. Un grand requin lavable m'emporte sur son double. On se balade dans la rade avec les poissons camarades. Oh oh Nemo, oh oh Jack Sparrow. On voit les pièces d'or d'un trésor tout au fond de l'eau qui dort. Je suis une pieuvre livide. La nuit, c'est moi qui décide. Comme pour les petits, ça sonne quand c'est midi. Le téléphone, les machines, outils. Dans ton caleçon, il y a des fourmis. La nuit, la nuit, la nuit, c'est moi qui conduis, qui sors les sous, les filles inouïes qui me font des bisous. La nuit, c'est parti.